Putain, je me suis fait flasher. À 72 sur une zone à 70. J'allais voir mon petit neveu, j'ai réfréné mes ardeurs. Hein. J'aurais pu aller plus vite, je me suis fait flasher. Putain, il me reste 5 points, il va m'en rester 4. Voilà, plus je sais pas combien, voilà. Voilà, ces enfoirés nous raquettent à bloc. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, eux, ils s'en foutent plein les poches, ils en collent au Panama et ailleurs. Et nous, comme des gros cons, on se fait flasher et on raque pour leurs petits arrangements entre amis. Alors voilà, ils se prennent des milliers d'euros tous les mois. Pour rien foutre, j'ai envie de dire, à un moment, j'y croyais, en fait. Je me disais, les mecs qui arrivent là, ils se sont défoncés quand même. Ils se sont défoncés pour arriver là. C'est certainement vrai, mais une fois qu'ils y sont, mais je pense qu'ils foutent plus rien, en fait. D'une voiture avec chauffeur à un gueuleton avec les copains, ils en branlent pas une, en fait. Ils sont pas fichus de bouger leur cul pour aller voter les lois. Ils nous enflent en permanence. Et nous, comme des gros cons, on mange 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes aux pesticides par jour. Et ils nous pondent des lois sur l'orthographe complètement absurdes et des réflexions sur le port du voile qui nous, putain, je me suis fait flasher. La démocratie, voilà, c'est ça. Je pense que mon père, que je respecte infiniment, me dit non, moi je signe pas de pétition. La démocratie est là pour porter nos voix. Donc on vote et ensuite, il y a des mecs qu'on a élus qui sont là pour porter notre voix. Mais mon cul, en fait, mais ils en ont rien à foutre de notre voix. Ils en ont rien à foutre, mais qu'ils soient de gauche, de droite. Mais tout ça, ils copinent depuis qu'ils sont petits, tous ces mecs-là. Ils en ont rien à foutre de rien, en fait. Donc la primaire.org, Nuit Debout, qui fout les journalistes qui plaisent pas à la porte. 1, 2, 3, ou Bleu Blanc Zèbre, là, j'ai la primaire, j'y ai bien pensé. Hein. Je me suis dit, c'est bon, j'y vais, quoi. Moi, quand je serai dictateur de la République, je vous jure, je vais faire le ménage. Fini les élevages intensifs, fini les pesticides. Dehors Monsanto, je ferai péter les KFC, quoi. Puis je pense que je ferai copain avec Daesh, en fait. Puis je leur dirai, Daesh, vous plantez pas de cible, vous êtes complètement tarés, c'est votre problème. Mais plutôt que de vous faire sauter en terrasse, mais allez vous faire sauter à l'Élysée, allez vous faire sauter à Matignon, allez vous faire sauter à l'Assemblée nationale. Sur un plan historique, c'est dommage, c'est un beau bâtiment, mais franchement, où est-ce qu'ils sont les regrets, quoi. Parce que si toutefois la primaire.org, ça mène quelque part, s'il y a des gens qui sont soutenus, quand bien même par des milliers d'autres citoyens qui se disent, ouais, celui-là, il a quand même des vraies belles idées pour l'éducation, pour la justice, pour l'avenir de notre planète, pour l'énergie. Si vraiment il y en a qui sont soutenus, mais jamais de la vie, ils y arriveront. Jamais, jamais. Tous ces gros connards qui nous gouvernent, là, ils sont bien placés là où ils sont, de gauche, de droite. Il y en a rien à foutre. Le premier qui va venir foutre une ombre au tableau et menacer leurs putains de privilèges et leurs milliers d'euros mensuels qui se foutent dans les poches jusqu'à ce qu'ils en crèvent, et ils crèveront vieux en plus, ces gros salauds. Hein. On les laissera pas, ceux qui auront réussi à arriver jusque-là. J'ai laissé tomber, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je travaille pour faire avancer ma petite entreprise. Je paye mon RSI tous les mois, un salaire un mois sur trois. J'ai pas le temps pour la primaire.org. Puis de toute façon, à quoi bon? Même si j'ai un ego démesuré et que je me dis que j'aurai mes chances. Putain, ça me dégoûte, je me suis fait flasher, putain. Ils se bougent pas le cul pour aller voter des lois. Ils nous enflent en permanence. Alors, t'as des mecs qui roulent à 2,40 sur l'autoroute. Du coup, t'as l'autre qui arrive à 2,70 avec sa Renault, je sais plus quoi, là, qui fonce à bloc pendant que l'hélicoptère leur perd la bécane. Je te dis pas le prix que ça coûte, le PV, entre l'hélico, la Safrane 18 turbo, 5 cylindres et, et puis, bah, du coup, nous, on roule à 72 dans une zone à 70. On se fait flasher. Faut bien rentabiliser. Faut rentabiliser Chips qui va verbaliser le seul qui faisait un vrai avec cette vitesse, putain. Et on file des milliards à EDF. Moi aussi, je vais dire, mon entreprise, ça tourne pas super en ce moment. Est-ce que vous pourriez me débloquer quelques millions? Parce que c'est vrai, putain, c'est, tu vois, moi aussi, je donne du travail à des gens, des fois, je paye mes cotisations. Ma TVA, oh là là! On déconne pas avec la TVA, hein, parce que si t'es en retard, hein. Mais oui, il file de la thune à EDF, comme Sarkozy qui avait lancé des défibrillateurs partout parce qu'il a un pote qui fabrique des défibrillateurs. Bah, mais non, mais tous, ils en ont rien à foutre, ils en ont rien à foutre de nous. Allez, je vais aller rencontrer mon petit neveu, puis je vais attendre mon PV. Bisous. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre une cabine téléphonique et le prépuce de David Pujadas? Non? Moi non plus, j'ai pas de chute. Et à partir de maintenant, je ne ferai que des blagues sans chute. Fini de se faire chier à bosser. Grâce aux députés, j'ai découvert une faille juridique. Il suffit d'être un gros fils de pute et t'as le droit d'être payé à rien branler aux frais du contribuable, dis donc. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, ils devaient voter pour modifier la Constitution. Sur les 577, il y avait 441 absents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a eu un suicide sur la ligne 12. Ils étaient tous bloqués dans le métro. Peut-être qu'ils ont servi du caviar périmé à la cantine de l'Assemblée, ou peut-être c'est simplement des grosses merdes, on ne sait pas. En tout cas, bonne nouvelle, moi aussi j'ai fait une réforme de l'orthographe, j'ai enlevé l'accent sur le mot député, ça se prononce de pute. C'est plus facile pour se souvenir comme ça. C'est plus facile, on se souvient mieux. À partir de maintenant, il y a 577 de putes à l'Assemblée nationale. Et c'est quand même incroyable, à chaque élection, les deux putes, ils nous font chier en disant l'abstention c'est mal, gna gna gna, il y a des gens qui sont morts pour que t'aies le droit de voter, gna gna gna, citoyens, c'est aussi des devoirs, mais qu'ils aillent sucer des ours. Les mecs, ils sont payés 12 870 euros par mois pour aller voter, ils restent chez eux à se branler. 12 870 euros à chaque branlette, ils éjaculent une Twingo intérieure cuir. Oh non, c'est scandaleux. Et moi, tu me files 13 000 boules par mois pour aller voter, je vote pour tout. Je fais le tour des collèges de France pour aller dans les délégués de classe. Moi, je veux même bien voter pour le plus beau dindon du salon de l'agriculture. Il y a 3 mois, là, l'autre de pute, Cambadélis. Je vous rappelle, ça n'est pas une insulte. De pute, c'est ma réforme de l'orthographe. Par contre, Cambadélis, ça, c'est bien une insulte. Donc, cette espèce de Cambadélis, aux dernières élections, il voulait rendre le vote citoyen obligatoire. Ben, lundi soir, il n'a pas pu se libérer, le pauvre. J'imagine qu'il était en train de chercher un donneur pour se faire greffer un peu de dignité. Les parlementaires, ils sont tous là quand Pamela Anderson vient parler des oies. Quand il faut modifier la Constitution, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les mecs viennent à l'Assemblée? Il faut faire une teinture à Barthelone et lui greffer des gros nichons? Non, ils servent à rien, les mecs, on dirait les Tampax de Vincent McDoom. Ils restent chez eux à toucher le pognon de l'État, ils sont pas fonctionnaires, ils sont chômeurs. Et après, ils viennent faire leur pleureuse en disant que les Français sont des assistés, qu'il faut restreindre les allocations chômage. Putain, mais à quel moment les mecs ont pris la confiance comme ça? On est 66 millions, ils sont 577. S'il y a baston, ça fait 114 000 contre 1, quoi. Même en admettant que Gilbert Collard soit champion départemental de karaté, on devrait s'en tirer. Non, moi, si ça tenait qu'à moi, je te foutrais tout ça sur un ferry, je le coule au large. Et quand les archéologues du futur découvriront leur petit corps, ils diront « Oh, des petits fossiles de fils de pute !» Non, et le pire, c'est que tout le monde s'en branle. Balkany, ça fait 13 ans et 8 mois qu'il est à l'Assemblée. Les gens qui votent pour lui, c'est pas par conviction, c'est pas possible. Ils ont le syndrome de Bruxelles. C'est comme le syndrome de Stockholm, sauf que la victime est particulièrement conne. Les mecs, ils nous la mettent tellement profond, ils vont finir par nous trouver du pétrole dans le cul. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. Je vais aller me construire un petit derrick au-dessus de l'anus et je vais aller revendre du sans-plomb sur le périph'. Et vous verrez, mon pétrole, il est comme la chronique. Raffiné. Merci d'avoir écouté. Le Parlement est le cœur de toute démocratie. Ses parlementaires garantissent l'expression de toutes les opinions, de toutes les sensibilités politiques. Le Parlement représente aussi tous les citoyens. C'est un peu comme si la voix de chacun d'entre nous pouvait s'y faire entendre. Mais au fond, qu'est-ce qu'un Parlement? Qui sont ces parlementaires, aussi appelés députés, qui nous représentent? Quels sont leurs rôles et leurs missions? Nous vous invitons à le découvrir. Chers collègues, j'ai lu dans le budget de fonctionnement du Parlement que plus de 40% de celui-ci va dans la rémunération des députés. Cela représente 20 millions sur 50 millions d'euros du budget. À titre de comparaison, il n'y a que 11 millions de prévus pour les 120 membres du personnel, alors qu'il y a 89 députés. Si l'on ramène théoriquement ces 20 millions d'euros au nombre de députés, cela veut dire qu'un budget annuel de plus ou moins 224 000 euros par député. Est-ce que vous imaginez? Je vais encore prendre le temps de réagir sur ce point qui nous tient énormément à cœur, celui de la manière dont vivent ceux qui sont censés être les élus du peuple. La façon dont fonctionnent nos parlements, qui sont prétendument être le cœur de la démocratie. Car nous pensons que la manière dont on vit est plus révélatrice que n'importe quel grand discours ou déclaration. Et je pense qu'ici aussi, c'est révélateur, chers collègues, soyons honnêtes, c'est indécent à quel point cette enceinte est déconnectée de la vie réelle de la plupart des Bruxellois. C'est un cocon hermétique où les députés reçoivent des salaires mensuels de plus ou moins 5 500 € net par mois, c'est-à-dire 3 fois le salaire moyen belge. Avec en plus des primes de toutes sortes, avec un système de pension complémentaire, avec des abonnements gratuits en première classe, une assurance hospitalisation et avec les entrées gratuites pour des activités culturelles, etc., etc. La liste est bien trop longue. Tous ces avantages, alors qu'en même temps, une grande partie des Bruxellois, les difficultés, pour eux, les difficultés augmentent. La pauvreté avance avec presque un enfant sur trois qui vit et qui grandit dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Les Bruxellois doivent parfois dépenser 50 à 60% de leur salaire dans leur loyer. Les difficultés pour se déplacer ou se soigner sont de plus en plus grandes. Et les pensionnés ont de plus en plus de difficultés à finir le mois. Ce n'est pas un simple décalage, c'est une déconnexion totale. Pas étonnant dans ce sens de voir les parlements du pays voter l'austérité, toucher au pouvoir d'achat et couler les pensions et les soins de santé. C'est tellement loin de votre réalité, vous n'avez jamais de fin de mois difficile. Vous pouvez compter sur une pension plus que confortable. Pas étonnant non plus de n'entendre personne dans ce parlement dénoncer les tarifs de la STIB. Pas étonnant que vous acceptiez aussi de remettre au placard les objectifs des 15% des logements publics, sans vous préoccuper des 44 000 familles qui sont sur liste d'attente. Car qui ici est touché par ces mesures? Qui doit dépenser 50 à 60% de leur salaire pour un loyer? Vous connaissez la réponse. Personne. Et ces ministres, des logements publics et pas sociaux, monsieur De Bock. Et ces ministres et parlementaires qui votent des lois qui ne s'appliquent pas eux-mêmes. Et ces ministres, vous connaissez beaucoup de choses. Et ces ministres et parlementaires qui votent des lois qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes et qui ont par exemple détruit depuis 25 ans le système public de pension sous prétexte qu'il n'y a pas d'alternative. Alors qu'en même temps, vous mettez à l'abri dans un système de pension complémentaire. C'est juste la honte. Sérieusement, il nous semble nécessaire, avec le PTB, de revoir tous ces privilèges accordés aux ministres et parlementaires qui vivent trop souvent sur une autre planète. Comprenez-nous bien, chers collègues, nous ne voulons pas que tout le monde vive dans la difficulté. Nous n'exigeons pas que les représentants du Parlement fassent vœu de pauvreté. Bien au contraire. Nous nous battons au quotidien, et notamment ces derniers temps, aux côtés des organisations syndicales pour défendre nos acquis sociaux, le pouvoir d'achat des travailleurs et nos services publics. Mais nous pensons que si les élus en Belgique vivaient dans les mêmes conditions que la majorité des travailleurs, ils seraient amenés eux aussi à s'inquiéter des salaires, des pensions, des logements et des services publics. J'en suis sûr, vous prendriez d'autres décisions. Et c'est pour cela que nous avons fait le choix, avec tous les élus du PTB, de vivre avec un salaire moyen de travailleur. C'est pour cela que moi je vis avec le salaire que je gagnais aussi bien à la STIB, je le gagne encore aujourd'hui. Je ne gagne pas 1 € de moins, mais certainement pas 1 € de plus. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que je suis au piquet, aux côtés des travailleurs, je ne suis pas seulement solidaire, mais je partage leur combat. Comme je le serai encore lundi prochain pour la grève générale, c'est la façon dont nous, au PTB, nous voyons notre rôle comme parti politique, les deux pieds dans la réalité, mais aussi dans le mouvement social pour changer cette réalité. Et ça explique pourquoi la semaine passée, quand j'étais en commission, et j'ai demandé au Parlement, je lui ai dit, tiens, est-ce que le Parlement sera en grève lundi prochain? Beaucoup m'ont ri au nez et ont trouvé ça ridicule. Et si les gens de ce Parlement vivaient dans cette même réalité que la majorité des travailleurs, je suis sûr que ça vous semblerait bien, bien moins ridicule. Je vous remercie, mes chers collègues. Chaque jour, nous nous posons des questions sur notre présent, notre avenir et celui de nos proches. Et chaque jour, des femmes et des hommes que nous avons élus, les députés, tentent de répondre à ces questions. Le PTB dénonce le régime des pensions accordées aux députés. Le système est inchangé pour les parlementaires. Ils peuvent quitter leurs fonctions à 55 ans, alors que les citoyens sont appelés à travailler davantage, jusqu'à 67 ans. Les différences de salaire sont aussi colossales. Arnaud Gabriel avec Elisabeth Wauters. Ces derniers mois, les Belges font face à certaines mesures qui affectent pourtant directement leur quotidien. Le gouvernement Michel revoit notamment les pensions. Mais pas pour tout le monde. Les députés continuent de bénéficier de l'ancien système. Résultat, les différences s'accumulent. Le fossé s'élargit. D'un coup de baguette magique, on décide de faire voter ce genre de réformes-là, mais quand il s'agit de voter des réformes sur la pension des parlementaires, il n'y a plus personne au balcon et on renvoie ça au calendrier grec et dans quelques années, on n'aura encore rien changé du tout. Concrètement, pour 2/3 des parlementaires, l'âge de la pension est fixé à 55 ans, soit au moins 10 ans plus tôt que pour le reste de la population. Plus marquant encore, la pension complète est obtenue après 20 ans de carrière pour les mandataires en poste avant le 1er juin 2014. C'est plus du double pour le commun des Belges. Le montant de la pension est lui aussi fort différent. En moyenne, comptez 3 000 euros pour un parlementaire, bien loin des 1 100 euros du travailleur. Qu'on aligne l'ensemble des pensions des travailleurs à celles des parlementaires. Je ne vois pas pourquoi une petite partie de la population belge devrait être finalement privilégiée. Un éternel débat qui ne date pas d'hier. En décembre 2011 déjà, le président de la Chambre était pourtant, on ne peut plus clair. Les parlementaires ne constituent pas une caste privilégiée qui serait à l'abri des efforts qui seront demandés à l'ensemble de la population. Et ça, c'est un engagement ferme. Les parlementaires, et nous sommes tous d'accord, contribueront à l'effort global, ce n'est que normal. Force est de constater que près de 5 ans plus tard, rien n'a fondamentalement changé. Le Parlement est le cœur de toute démocratie. Ses parlementaires garantissent l'expression de toutes les opinions, de toutes les sensibilités politiques. Le Parlement représente aussi tous les citoyens. C'est un peu comme si la voix de chacun d'entre nous pouvait s'y faire entendre. Différentes compétences et responsabilités des questions sur notre présent, la fédération notre avenir et celui de nos proches. Des compétences en matière de culture, et chaque jour, dans des femmes et des hommes de recherche scientifique. Mais aussi en matière de sport, tente de relations internationales, d'éducation permanente, les députés de médias, deux missions ou encore de politique de l'enfance la première et de la jeunesse, est le contrôle du gouvernement, de maisons de justice, c'est-à-dire des ministres, autant de matières à l'aide examinées de questions orales ou écrites au Parlement, et par le biais de questions d'actualité un instant sur quelques-unes de ces compétences ou en commission. Monsieur le Premier ministre, je remarque que vous n'avez pas répondu à quelques questions. La première, d'abord, c'est qu'on a débattu sur le budget 2016, où beaucoup de mes collègues ont démontré par A plus B que vous saviez que votre budget 2016 était bâti sur du sable. Le débat que nous avons eu ici dans l'enceinte parlementaire sur le budget 2016 était basé sur un mensonge. Un mensonge dont le but était de camoufler le fait que tous les cadeaux que vous avez faits aux entreprises allaient coûter de l'argent au budget de l'État. Vous ne répondez pas à ça. Deuxièmement, arrêtez de nous faire rire avec cette fable que les forces de droite et ultralibérales allaient être les garantes des bonnes finances publiques. On n'a jamais eu un trou aussi grand aujourd'hui dans notre budget grâce à votre gestion justement des finances publiques. Et troisièmement, monsieur le Premier ministre, plusieurs collègues vous ont posé la question. Où allez-vous chercher l'argent? Ça, c'est le débat que nous devrions avoir aujourd'hui. Vous n'avez pas pipé un seul mot là-dessus. Or, je vais le dire clairement. Aujourd'hui, l'ensemble de la population, que ce soit en Flandre, à Bruxelles, à Wallonie, en a marre de payer toujours, en a marre de payer la TVA, en a marre de payer l'index. Les malades longue durée en ont marre de payer pour votre austérité. Alors aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, allez chercher l'argent où il se trouve. Il n'y a jamais eu autant de riches millionnaires en Belgique. Prenez votre courage à deux mains, allez taxer les millionnaires plutôt qu'une nouvelle fois, allez chercher l'argent chez les travailleurs et les allocataires sociaux. Thank you. oh, oh, blablabli, blablabla, blablabla. Raoul. Et blablabla, blablabla, blablabla. Micro ouvert. Eh bien, rencontre ici avec Raoul Edebaud, et c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Bonjour Raoul. Bonjour, et bonjour à tous nos auditeurs aujourd'hui. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Voilà, l'idée en fait que j'avais envie de te rencontrer, Raoul, parce que bah, tu fais parler de toi sur les réseaux sociaux. Enfin, tu fais parler de toi, tu fais parler comme ça une voix qu'on n'entend pas, puisque nous, on n'y a pas vraiment accès. C'est-à-dire que y a l'histoire avec les pensions, et puis il y avait aussi une grosse histoire après les attentats, ici à Bruxelles, avec l'aéroport et le métro qui explose. Il y a les gros partis qui se mettent ensemble et qui mettent de côté le PTB. Enfin, voilà, il y avait deux grosses choses comme ça, et j'aimais bien aussi ton ton, hein, on peut le voir facilement sur le net, sur les réseaux sociaux, où tu vas pas de ma mort, et en deux langues en plus. On peut commencer comme ça, peut-être une petite présentation. Alors sache aussi qu'au niveau politique des partis, moi je m'en fous complètement, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout d'importance, malgré que je sais qu'on est gouverné par ces partis-là. Donc ce serait chouette aussi que tu m'apprennes un peu les choses. Ben voilà, allez, démarrage, comment t'as envie toi de te présenter, Raoul Edebaud? Ben moi, Raoul, quoi, camarade et compagnon de combat, avant tout, je veux dire, qui a la particularité de défendre les couleurs dans le Parlement, mais qui, à l'instar de tous les militants, qu'ils soient de mon parti ou qu'ils soient au niveau syndical, associatif, spontané, qu'on le voit un peu dans l'ensemble de l'Europe, je veux dire, ben, un militant parmi tant d'autres qui veut changer le rapport de force. Je crois que c'est ça le but, et c'est ça aussi que Marco et moi-même, Marco qui est mon compagnon... mon camarade député qui est avec moi ici à la Chambre, c'est ça qu'on fait, c'est humblement tenter de faire résonner ce qu'on entend sur les piquets de grève, dans les entreprises, dans les quartiers, sur les places qui sont occupées. C'est toute cette résonance-là que nous recevons dans nos oreilles, qu'on essaie de retraduire dans ce milieu qui fatalement n'est pas le même. Donc là, quand on intervient sur des privilèges qu'on est député, ben, fatalement ça fait graisser beaucoup les dents, mais nous on n'a rien à perdre, on continue à vivre comme tout le monde. Hein. Moi je continue à vivre avec mon salaire de 1500 euros, moi il n'y a rien qu'à changer au niveau pécunier. Hein. Sauf que là je vois quand même 3-4 fois par semaine de monter à Bruxelles, mais sinon ma vie n'aura pas changé pour ça. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'on est. On est rien de plus, on est rien de moins non plus, et c'est ça qu'on essaie de transmettre dans le Parlement, quoi. C'est quoi, tu pourrais un petit peu dessiner le paysage politique des partis là, puisque moi qui n'y connais pas grand chose, qu'est-ce qui domine en fait, qu'est-ce qui se met en place comme ça petit à petit, ou qui est là depuis longtemps? Ben, d'une manière générale, je dirais que, mais ça vaut pour l'ensemble de l'Europe, c'est que d'une manière générale, les partis traditionnels se font assez bien englober dans un paradigme qui est celui du néolibéralisme. Il n'y a pas de gros débat idéologique entre partis traditionnels aujourd'hui en Belgique, mais c'est le cas aussi en Europe. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la gestion de François Hollande d'une part en France et la gestion de Charles Michel en Belgique? Je crois pas. Je veux dire, en fait, on a un gouvernement qui se dit de gauche, un gouvernement qui se dit de droite, qui en fait applique les mêmes résolutions européennes, les mêmes directives de la Commission. Il faut baisser les salaires, il faut flexibiliser le temps de travail, il faut le contrat zéro heure, on fait les cadeaux aux grandes banques. Donc on est dans la même logique un peu partout. Donc de ce côté-là, il y a ce consensus mou qui existe dans tous les parlements, et notre parlement en Belge ne fait aucune exception là-dedans, quoi. Donc je crois que c'est ça qu'il faut voir changer dans les années à venir. Et je le dis, le changement ne viendra pas du Parlement. Je pense que le changement viendra de la mobilisation citoyenne, la mobilisation sociale. C'est elle qui écrit l'histoire, c'est pas les parlements. Et je crois que ça, c'est important de le ressouligner, même si ça peut paraître paradoxal de la part d'un parlementaire de dire ça, mais je crois que c'est une question de stratégie du mouvement social. J'ai plein de questions, il faut que je tienne bien le fil. C'est que, mais oui, on n'arrête pas depuis plusieurs années à dire que c'est la crise. Ça fait, je sais pas moi, 20 ans que c'est la crise, j'exagère. Mais pourquoi en fait on prend vraiment les gens pour des imbéciles, quoi? Enfin, il y a un contexte idéologique. Ça, on tente de faire croire que c'est la crise, mais c'est pas la crise pour tout le monde. Il faut quand même arrêter. Je veux dire, les travaux de quelqu'un comme M. Piketty ont très bien démontré qu'il n'y a jamais eu autant de grosses fortunes qu'aujourd'hui. Qui, Monsieur Piketty? Monsieur Piketty, donc économiste français, qui a fait l'analyse, hein, donc le capital au XXIe siècle, qui a analysé très bien toute la courbe des patrimoines en France, mais il peut l'appliquer pour d'autres pays en Europe. Et on voit en fait qu'on est de retour dans des polarisations sociales, comme à la grande époque, je veux dire, des années du début du XXe siècle. Donc il y a une tension terrible, je veux dire, sociale en Belgique, et on la constate tous les jours. Il y a 12 000 nouveaux millionnaires en euros chaque année en Belgique. Donc on a arrête de dire que c'est la crise. Ouais, c'est la crise pour les petites gens, c'est la crise pour les travailleurs, pour les allocataires sociaux. Pour eux, c'est la crise, mais pas pour les plus riches, que du contraire, on n'arrête pas de leur faire des cadeaux. Donc, on le voit avec les Panama Papers dernièrement, je veux dire, 732 familles belges ont été mettre leur pognon là-bas au Panama pour éluder l'impôt. Mais je vous le dis, c'est pas moi, c'est pas vous qui êtes au Panama. Hein. Nous, on n'a pas le pognon pour ça, on ne sait même pas payer le document en règle pour l'introduire. On ne sait pas le payer, les frais sont trop élevés. Ben, eux, voilà, c'est des millions qui vont les placer. Donc je crois que c'est un contexte idéologique et la question c'est qui va payer cette crise. Et je crois que là il est temps de faire payer cette crise aux riches. Mais explique-moi alors toi Raoul, j'ai vu que tu étais porte-parole du PTB en 2013. Tu étais quoi avant alors ? Moi j'étais enseignant. Donc d'abord j'ai travaillé 2 ans à la coopération développement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et puis après j'ai donné un petit peu cours, prof de biologie. À mon âge, j'ai commencé à militer pour le PTB avec les peu de moyens qu'on avait. J'ai pu travailler à mi-temps pour le PTB, puis je suis devenu député. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a grandi, avec cet engagement de continuer à vivre avec nos salaires précédents pour pouvoir remettre tout ce qu'on a en plus pour le collectif, pour la lutte. Et puis pour, comme je dis toujours, si on ne vit pas comme on pense, on commence à penser comme on vit. Et ça, c'est ce qui se passe dans ce Parlement. Je veux dire, quand on gagne 10 000 euros par mois, c'est facile de dire aux gens « Ah bah oui, il faut payer un peu plus pour son essence, il faut payer un peu plus de TVA sur l'électricité. » C'est facile, on gagne 10 000 euros par mois. C'est la même chose sur la question des pensions. Hein. Il gagne vraiment 10 000 euros par mois parce qu'on souligne ça, mais c'est dingue. Donc un député gagne en Belgique 5 400 euros net. Un député bourgmestre va monter, suivant les communes, jusque 9 000, 10 000 euros. Les ministres peuvent monter à 12 000 euros. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui en Belgique. C'est officiel, il faut un peu aller gratter, mais c'est leur salaire officiel. Je ne parle même pas de ce qu'ils gagnent en plus avec d'éventuels contrats privés ou quoi qu'ils ont en plus, cabinet d'avocats, etc., etc. Ici, je parle uniquement de ce qu'ils reçoivent de l'État. Mais toi, tu es député aussi. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, alors toi, le surplus d'argent, tu le remets au collectif, c'est ça. Donc moi, je remets plus ou moins 3200 euros par mois. Alors pour la petite anecdote, c'est assez marrant, c'est que Marco et moi, on avait été discuter avec les services de la Chambre des représentants pour leur demander, écoutez les gars, est-ce que vous pourriez remettre tout notre pognon qu'on reçoit directement au parti et comme ça qu'on reçoive juste notre salaire? Parce que nous, je veux dire, tous les mois, avoir 5400 qui rentrent, boum, et puis après, mon banquier, il n'a jamais vu ça de sa vie, quoi. Et bien, c'était pas possible, quoi. Il voulait pas, ah non, monsieur de Bob, on préfère vous donner l'argent à vous. Donc finalement on a négocié pour qu'une partie aille directement au collectif et une partie sur notre compte en banque et puis on fera un virement par après quoi. Donc, les gars ils avaient jamais vu ça quoi, ils avaient jamais vu ça, des députés qui demandaient ah non mais le pognon il n'est pas pour moi là, il est pour le collectif le pognon. C'est vrai que c'est surprenant ça. Ah ouais non, ils avaient vraiment le gars à la chambre, il savait pas comment faire quoi. Le fonctionnaire il me dit ah, demain vous mettez mal à l'aise. Au Parlement wallon où nos députés ouvriers font la même chose, donc Frédéric Gideau, syndicaliste et sidérurgiste, et Rudy Warnier, chauffagiste, qui aujourd'hui représente les couleurs du PTB au Parlement wallon, là carrément les services se sont dit ah non, le pognon on vous le met et vous faites ce que vous voulez avec quoi. Donc c'est vrai qu'ils ont au début du mois ils ont 5000 euros qui rentrent et puis après ils font le virement pour le parti quoi. Mais voilà, on est atypique parce qu'on est libre quoi. Je crois que ça c'est important, on veut pas rentrer dans ce monde là j'ai dit tout à l'heure au niveau des pensions, c'est quand même grave, c'est ce qu'on a dénoncé la semaine passée. C'est que donc il faut savoir que le Parlement en Belgique a voté donc là une loi qui demande aux travailleurs de bosser jusqu'à 67 ans. Elle a voté déjà cette loi alors. Elle a voté cette loi donc de travailler jusqu'à 67 ans, alors que les députés eux-mêmes peuvent partir, 2/3 des députés peuvent partir à 55 ans en pension. Allez, ça va pas quoi. Et on peut quand même pas continuer comme ça dans un système à deux vitesses. C'est facile hein, de demander aux gens de voter jusqu'à 67 si soi-même c'est jusqu'à 55 ans. Les travailleurs en Belgique ont besoin de 45 ans pour construire tous leurs droits de pension. 45 ans, un député, 20 ans. Allez, c'est quand même pas normal quoi. Après 8 ans de député, t'as déjà une pension de 3 000 euros. Attends, la moyenne des députés, des pensions des salariés, excusez-moi, c'est 1100 euros en Belgique. Enfin, ça va pas, c'est vraiment en train de construire une élite qui est au-dessus de la mêlée. Donc ça, on l'a dénoncé la semaine passée. Bon, ça a pas fait plaisir à certains, mais voilà, on n'est pas là pour faire plaisir aux autres députés, on est là pour représenter les gens. Et je crois que c'est cette tonalité nouvelle qui fait aussi que les réseaux sociaux, que ça se développe beaucoup et qu'on a une communication directe avec la population. C'est pas une idée nouvelle. À la base, c'est censé être ça, non? Un député, c'est représenter un peu la voix des gens, non? Ouais, c'est ça, mais je crois que ça a beaucoup changé avec les années, quoi. Mais non, mais c'est ça. On a créé vraiment un peu un monde. Pas mal de sociologues ont étudié ça, quoi. Je veux dire, on reste entre soi, une élite se forme, quoi. Je veux dire, ça c'est indiscutable. Quand on décide de supprimer la prépension, par exemple, donc la pension anticipée ou la prépension, donc c'est une prépension, donc ça veut dire que c'est des mesures qui permettent aux travailleurs qui sont usés On est dans la quatrième économie la plus productive au monde. Les gens qui sont usés d'avoir bossé toute leur vie et qui demandent, voilà, est-ce que je peux pas partir à 60 ans ou à 58 ou à 59 ans et qu'un jeune prenne ma place? Ça, c'est ce qui est la prépension. Évidemment, il y a un lien entre le fait que presque aucun député n'a travaillé à la chaîne dans une usine et la facilité avec laquelle on a voté la suppression des prépensions. Donc, il y a un contexte social très fort dans pourquoi cette élite prend des mesures qui sont tout à fait inacceptables pour l'ensemble des travailleurs. Et c'est cette élitisation de la politique que nous dénonçons, quoi. Oui, mais enfin, moi, je vous dis, la politique des partis, je ne m'intéresse pas trop. Et puis, tu sais que pour le moment, ben, de plus en plus aussi de gens se détournent de la politique. Hein, ça fait déjà un petit temps. Et j'ai perdu mon fil. On va le retrouver, mais j'ai toujours vu cette politique. Ben voilà, il y a l'élite, il y a les gens qui dominent, qui ont l'argent, et puis les petites gens qui doivent... C'est depuis la nuit des temps aussi, comme ça. Hein. Mais ce que j'aimais bien en te rencontrant, toi, c'est que tu as l'air... tu es du parti PTB, parti des travailleurs belges. Avec ton... Vous êtes deux... On est deux au Parlement fédéral et deux à la région wallonne et quatre à la région bruxelloise. Et ce que j'aimais bien, c'est vraiment, tu y vas... et ça, je trouve que ce ton-là, bah, on l'entend pas beaucoup. On n'ose pas beaucoup prendre ce ton-là de défendre un peu les gens. Les gens, quoi. Il y avait aussi... je t'avais rencontré il y a très, très longtemps, en coup de vent, avec Gérard de Sélis. Et on avait fait un petit travail sonore, oui, je ne sais plus, il y a très longtemps. Ouais, t'as raison, il y a 10 ans déjà. Oui, je me souviens avec Gérard. Mais il y avait, l'idée, c'était déjà là, c'était pas le profit, les gens d'abord. D'abord, pas le profit, ce qui reste toujours notre leitmotiv, quoi. Donc vraiment de se battre pour les gens et pas pour le profit. On voit qu'il y a plein de dossiers aujourd'hui en Belgique où on montre qu'on continue à rouler pour le profit. Que ce soit au niveau énergétique, on donne tout le profit, je dirais, à Electrabel. C'est Electrabel qui décide notre avenir énergétique, quoi. Donc évidemment, Electrabel n'investit pas du tout dans l'économie verte. Electrabel veut le monopole nucléaire, qu'il puisse continuer à perdurer pour faire des milliards. On fait des ristournes fiscales à Electrabel. Donc une nouvelle fois, c'est le profit qui passe avant. Je veux dire, on voit ça au niveau des Panama Papers, on voit ça au niveau de l'excess profit ruling, qui est une mesure fiscale qui a été votée par notre ministre, mis en application par notre ministre des Finances, dont le but, en fait, c'est encore des cadeaux aux grandes multinationales. Il y a même la Commission européenne, ce n'est pas les gauchistes, qui ont dit, M. Van Overveld, c'est exagéré, quoi. Il y a vraiment, il faut que vous récupériez 942 millions d'euros chez ces multinationales. Eh bien, notre ministre des Finances a été en appel de cette décision. Ah non, il ne veut pas les 940 millions. Donc, on est sans arrêt une société pour le profit, et nous on dit non, les gens d'abord, pas le profit, on continue avec ce leitmotiv. Oui, ça fait déjà un petit temps que c'est là, ce leitmotiv. Et tiens, depuis 10 ans, tu peux un petit peu donner le... J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui... En tout cas, moi, je t'avoue, je ne savais pas quoi voter, j'ai voté PTB. Parce que je me suis dit, ils sont là, quoi, ces gens-là. Enfin, tu vois, ils ont quand même un discours... proche des gens. Alors je dirais pas parce que c'est le parti des travailleurs belges et en même temps il y a moins en moins de travail. Ouais, mais c'est vrai, mais justement ça fait partie du problème. Quand tu dis tout à l'heure rester proche des gens et on s'est rencontrés une fois il y a 10 ans, je pense que beaucoup de gens voient qu'on... On a toujours été là, on est là, je veux dire, à 6h du matin, quand il y a un piquet de grève, une manifestation à 9h, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. On est là, nos militants, on mène le combat. Quand les jeunes mènent le combat pour des emplois dignes, quand les jeunes mènent l'emploi pour un enseignement de qualité, qui est du côté de tous ces mouvements de lutte, etc. Ben, c'est les militants du PTB, en toute humilité. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, on est là pour être des relais de combat, justement. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, avant, on entendait vaguement parler de vous, mais maintenant, vous êtes là, vous grandissez, je veux dire, on le voit. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Moi je crois que d'une part on a fait du boulot nous sur nous-mêmes au niveau de la communication, parce que la communication est importante. Moi ma manière de communiquer, c'est pas un hasard, quoi. Maintenant, je suis... T'es gueulante, c'est pas un hasard. Ouais, mais non, mais moi je viens, écoute, moi je suis né à Erstein, dans un quartier à la Préal, quoi. Mon père il est sidérurgiste, ma mère est déléguée syndicale, a été licenciée pour ses opinions. Je veux dire, on est aussi le produit de sa vie, quoi. Donc moi la communication, je suis pas avec des spin doctors qui sont en train de me dire, Raoul, ce serait bien que tu nous fasses un petit accent liégeois, quoi. Je ne sais pas l'enlever, moi, sur les joueurs. Du coup, je ne sais pas l'enlever. Il est là, il est présent. Je suis moi-même quelqu'un qui vient du peuple et qui communique comme ça, quoi. Et de ce côté-là, nous, on n'est pas en train de réfléchir avec des bureaux de com, en train de dire non, on fait plutôt ça. Non. On s'exprime comme on s'exprime, quoi. Moi, quand Frédéric Gideau, il s'exprime avec sa tchat de sidérurgiste, il n'y a pas au PTB des gens qui lui disent ouais, communique comme ça ou comme ça. Non, il communique comme il pense qu'il doit communiquer, c'est-à-dire comme il est, un travailleur parmi tant d'autres. Et je crois que ça, c'est très important en communication et c'est nouveau. C'est nouveau. Parce qu'on est dans un casting certainement franchement, depuis 15-20 ans, où toute la communication est vraiment cadrée, elle est vraiment neutralisée, je veux dire, il n'y a pas un mot un peu plus haut que l'autre, on millimètre tout, je veux dire, il suffit de voir sur les plateaux télé pourquoi les gens ne suivent plus les débats, mais parce que c'est soporifique, et pourtant les journalistes essaient un peu de mettre de l'ambiance, mais non, je veux dire, ça, on calcule tout, et je veux dire, ça, les gens en ont de plus en plus marre, quoi, vraiment marre, et moi, c'est ça que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un ras-le-bol, parce que ça, c'est la deuxième raison, j'avais parlé sur nous, les efforts qu'on a fait avec le PTB en communication, mais la deuxième raison de notre croissance, c'est la crise aussi. C'est que les gens vont, on ne peut plus continuer comme ça. Les banques nous ont fait un hold-up de dizaines de milliards d'euros, elles continuent. Quand on nous avait dit, ce ne sera plus jamais la même chose, les banques, elles sont trop grandes, il faut les subdiviser. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que les banques sont encore devenues plus grandes. Donc, je veux dire, BNP Paribas, on a encore bouffé les banques. Je veux dire, on n'a jamais eu des banques qui sont les fameux too big to fail, quoi. Donc, trop grandes pour pouvoir être mises en cause. Donc, elles font ce qu'elles veulent, de toute façon, nos banques. De toute façon, elles auront les garanties d'État qui leur seront données. C'est du hold-up, quoi. C'est du hold-up financier. C'est vraiment incroyable. Donc, de ce côté-là, moi, je crois qu'il est temps d'avoir une remise en cause. Et moi, je ressens très fort dans la population cette remise en cause du système établi. Alors, les gens cherchent des solutions. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est un comble. Mais je trouve que c'est passionnant comme débat. Et moi, j'ai pas toutes les solutions. C'est aussi ensemble qu'on va construire des solutions. Je veux dire, moi, je dis toujours un cerveau humain. Moi, je suis biologiste de formation. Un cerveau humain, il réfléchit beaucoup mieux quand il est en train de marcher en rue dans une manif parce qu'il y a plus d'oxygène qui arrive que quand on reste dans son fauteuil. Ben ouais, on est dans son fauteuil, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Mais quand on est en train de manifester, il n'y a pas d'oxygène qui arrive au cerveau, quoi. Donc ça fait du bien. Donc il faut manifester, il faut aller en rue, il faut reprendre le pouvoir. C'est vraiment ça, en fait, hein, ce qui se passe. Et dis-moi, quand tu pousses une gueulante comme ça, mais avec des mots justes, au Parlement, c'est ça, hein, ou en Assemblée, au Parlement fédéral, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on te voit, toi, évidemment, mais on ne voit jamais l'Assemblée comme ça. Comment les autres partis t'entendent, en fait? Est-ce qu'ils se marrent? Ils se disent, bonhomme tout seul avec son copain, là, qu'est-ce qui nous font rire? Ou... Comment t'es vu, en fait? Alors, il y a deux techniques. Il y a deux techniques pour nous mettre mal, mais ça nous démontre évidemment pas du tout. La première technique, c'est l'indifférence. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui réagit. Donc souvent, je fais alors un speech de 2 minutes, puis après, c'est le silence. Que ce soit les députés de droite ou de gauche, c'est silence. Et alors, heureusement, il y a mon camarade Marco qui est présent dans la salle et qui se lève comme un seul homme et qui en applaudit pour 15. Je voudrais remercier Marco ici dans cette émission. Comme voilà, donc, mais non, on le voit jamais. Je fais la même chose. Hein, quand Marco intervient au Parlement également, et qu'il fait une brillante intervention, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, je me lève, je dis même bravo Marco, bravo, et je l'applaudis, et j'essaie d'applaudir pour 5-6, quoi, donc c'est ça c'est une technique. La deuxième... Il n'y a vraiment personne qui vous applaudit, non, vous-même. Non, parce que ça les fait vraiment pas rire. Soit alors, quand c'est vraiment, qu'on met les pieds vraiment bien dans le plat, quoi, dans le plat de spaghetti, quoi, qu'on a vraiment les deux pieds dedans, alors ça gueule, quoi. Ouais, c'est scandaleux, là ça commence à gueuler dans tous les sens. Et alors là, la semaine passée, c'était populiste, quoi. Oh, c'est populiste, c'est très... Attends, qu'est-ce que c'est que c'est populiste? C'est pas populiste de voter une pension à 67 ans, alors que ils peuvent partir à 55 en pension, ça c'est populiste. Ça, c'est... Enfin, je veux dire, c'est eux les privilégiés. Quand on attaque les fonctionnaires belges en disant c'est tous des privilégiés, c'est pas populiste, ça c'est vraiment surfer sur une idée basse populiste, quoi. Ça, pour moi, c'est eux les populistes. Donc souvent, alors ça gueule, mais bon, moi j'adore. Hein. Ah, moi quand ils gueulent, je suis dans mon élément. C'est presque un encouragement à continuer. Ça, je veux vraiment le dire publiquement. C'est quand ça gueule beaucoup au Parlement, je veux dire, ah, je suis encouragé. Je suis vraiment déçu de devoir m'arrêter à 2 minutes. Parce que c'est vrai que le règlement nous oblige à nous arrêter après 2 minutes. Des fois, je continuerai bien une troisième minute pour me faire du bien. Mais tu crois, Raoul, qu'en dénonçant des choses, et encore, j'imagine que tu ne dénonces pas tout, hein, sérieusement. Non, tu dénonces pas tout. Mais non, on n'a pas l'occasion de tout dénoncer, parce que c'est tellement cadenassé au Parlement. Je veux dire, on doit tout millimétrer, tout chronométrer. Il faut introduire des questions 3 semaines à l'avance. Il faut, donc c'est vraiment bureaucratisé à fond, donc on ne peut pas tout dénoncer. Mais ce que tu dénonces et la manière dont tu le fais, est-ce que tu crois que ça a une influence sur un changement possible? Là, je rigole, hein, mais bon. Ben, je crois pas que ça ait une influence sur les autres ministres et les députés. Je serai en clair. De toute façon, le Parlement n'a aucun pouvoir en Belgique. Hein, je veux dire, tu peux gueuler tant que tu veux au Parlement. De toute façon, les ministres décident de ce qu'ils font. 90% du pouvoir en Belgique est dans les mains de l'exécutif. C'est dans les mains du gouvernement. C'est le gouvernement qui décide de tout. Comme député, tu peux faire des commentaires. Ça sert à quoi alors le Parlement? Ça sert à encourager les luttes à l'extérieur du Parlement. C'est pour ça aussi que quand on intervient avec Marco ou avec Fred ou avec Rudy, etc., on remarquera très fort que nous intervenons très fort pour rendre confiance aux gens. On renvoie notre communication vers le peuple. On n'est pas là pour convaincre Charles Michel. Je n'ai aucune illusion sur la question que je ne vais pas le convaincre, Charles Michel. Par contre, si à travers notre intervention, on peut donner courage aux gens en disant « Tiens, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas continuer comme ça, que le combat social est important, qui dénoncent, etc. etc. » Là, je crois qu'on a un rôle à jouer. Et c'est comme ça qu'on voit notre rôle dans l'histoire, comme député du peuple, comme député des gens. On est là pour encourager le combat et pas uniquement pour leur dire « Votez pour nous ». Et on fera tout pour vous pendant 4 ans. Ah, ça, j'ai toujours dit. Ça, j'étais encore sur le marché la semaine passée à Grasse-Vallonne. Je disais, écoutez, madame, c'est bien d'avoir voté pour nous, mais le combat, ça commence demain. Et moi, je ne vais pas résoudre ça pour vous. Hein. Je veux dire, il faut avoir des millions pour les faire reculer. Hein. C'est pas 2 députés, même 6, même 7, même 8. C'est pas 8 députés qui vont changer quelque chose. C'est la population en mouvement qui va changer les choses. Et je crois que c'est ça le message qu'on doit faire passer. Et donc, toi, tu vois alors un changement dans la population en ce moment, depuis plusieurs années? Moi, je ressens ça fort à travers l'Europe, c'est pas spécifiquement la Belgique, quoi. Moi, je le sens très fort quand on voit le mouvement des indignés en Espagne, quand on voit la réalité politique en Grèce, quand on voit les mouvements au Portugal, quand on voit aujourd'hui les Nuits Debout et tout le mouvement contre la loi El Khomri en France. Donc ça bouge partout. Là, on vient de réannoncer pour le 24 juin une grève générale en Belgique. Donc je crois qu'un peu partout, ça bouge, parce que les peuples d'Europe se rendent compte qu'on va droit dans le mur. Donc ça, je sens très fort cette conscientisation, et qui plus est encore plus chez les jeunes. Moi, ce que je suis très étonné depuis 2-3 mois, c'est le nombre de jeunes qui nous contactent. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ça, je crois vraiment qu'il y a une partie de la jeunesse qui est en train de se dire « Attends, si on se laisse faire comme ça, ils vont tout nous prendre. Ils vont tout nous prendre. » Et donc, on a un avenir à construire, et c'est ça qui est important pour les jeunes. Mais surtout aussi par rapport au travail, tu pourrais un petit peu... Il y a de moins en moins de travail pour les gens, malgré qu'il y ait quand même des gens qui travaillent. Ben oui. Qui font fonctionner le système quand même. Ben oui, on a jamais produit autant de richesses qu'aujourd'hui en Belgique. Toutes les années, notre produit intérieur brut continue à augmenter. Oui, mais... Mais le problème, c'est un des paradoxes. On a en rue ici, les gens sont chauds aux boulettes. Qu'est-ce que je disais? Oui, le paradoxe, c'est que nous produisons de plus en plus de richesses en Belgique, mais avec de moins en moins de travailleurs. Ce qui en soi est une très bonne nouvelle. Moi, je suis scientifique de formation. Moi, personnellement, si on me dit « Ouais, t'inquiète, avec 2 fois moins de temps, on produit les mêmes richesses », moi, je dis « Super !» Mais comment on fait ça? Ah ben, on va prendre 2 fois plus de congés, on va, voilà, chill, quoi. Je veux dire, si en 4 heures, on produit ce qu'on produisait auparavant en 8 heures, ben voilà, prenons 2 fois plus de congés, quoi. Mais quoi, c'est grâce aux machines, ça? Ah ben oui, mais les machines en soi... À la délocalisation aussi. Ah mais non, mais le problème, justement, c'est que les machines, vu qu'elles sont propriétés privées, certainement de grandes multinationales, ne fonctionnent que pour le profit. Et donc, quand une machine produit 2 fois plus de richesse avec un même nombre de travailleurs, que fait la multinationale? Elle licencie la moitié de ses travailleurs. C'est ça le problème. C'est que l'augmentation de richesse ne profite qu'à quelques multinationales et des plus riches. Et donc, c'est là où nous devons aller reprendre le pouvoir sur le droit du travail, justement, en réduisant la durée du temps de travail pour tous les travailleurs. Nous avons fait une proposition le 1er mai l'année passée pour une réduction du temps de travail à 30 heures semaine qu'on peut payer. On produit 4 fois plus de richesse aujourd'hui qu'en 1960. Qu'on permette à cette augmentation de productivité de permettre aux gens de prendre un petit peu plus de repos. Je crois que ça, c'est très, très important. Et que dire aussi sur le travail? J'imagine que toi, tu as vachement de choses à dire sur le parti des travailleurs belges, sur la notion de travail. La jeunesse, par exemple. Mais la jeunesse, elle est exclue du travail. C'est quand même fou, quoi. On demande aux anciens de travailler jusqu'à 67 ans. Ils sont morts, fatigués et tout. On leur dit, ah non, tu vas pas prendre ta prépension à 60 ans. Tu vas bosser jusqu'à 67 ans. Et en même temps, il y a des centaines de milliers de jeunes qui voudraient qu'une seule chose, c'est de bosser. C'est quand même fou, quoi. Non, mais même, oui, c'est fou. Mais explique-moi, moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est simple de dire. Les personnes qui sont fatiguées, qui ont assez travaillé, on les met au repos. Ça y est, vous allez pouvoir vivre un peu, là, même s'ils vivaient quand même. Hein, la notion de travail, de torture, enfin, soit. Là, on part dans un autre débat. Mais pourquoi c'est pas si simple que ça de donner le travail aux jeunes? Pourquoi c'est pas si simple que ça? Là, moi, je comprends pas. Parce que le but du grand patronat, c'est de mettre les générations en concurrence les unes avec les autres. C'est de dire aux anciens, vous êtes en concurrence dans l'entreprise avec les plus jeunes, et d'obliger les plus jeunes à accepter des conditions de travail de merde. Parce que c'est ça qu'on est en train de prévoir, de préparer aujourd'hui. Les hamburger jobs, c'est quoi? Les contrats 0 heure, c'est quoi? C'est que tu signes ton contrat, tu sais pas combien d'heures tu vas travailler demain. C'est ça les boulots qu'on prépare à nos jeunes, quoi. Tu fais du sport ou quoi à 5 heures le mardi? Pas question que tu fasses ça, parce qu'à tout moment, on peut te demander d'aller travailler là-dedans. On va préparer des contrats à durée indéterminée, intérimaire. Allez, c'est quand même fou, quoi. Normalement, intérimaire, c'est à court terme, quoi. C'est pour commencer de la vie, c'est pour un excès de production. Ah non, non, non, non. Maintenant, ça va être contrat à durée indéterminée, intérimaire. Donc, plus personne ne va pouvoir organiser sa vie un peu convenablement. Les mères qui sont les mères célibataires aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font avec leurs gosses quand elles doivent le mettre à la crèche et qu'elles ne connaissent même pas leur horaire pour demain? Qu'est-ce qu'elles font? Elles ne peuvent pas prendre ces contrats-là. Donc, elles sont toutes dans la précarité. C'est une société de merde qu'on est en train de nous construire aujourd'hui, où on va être corvéable à merci en fonction des besoins du patronat. Moi, je dis non. On ne travaille pas pour vivre, on vit pour travailler. Il faut quand même le dire clairement aux gens, on est là pour vivre, quoi. On est là pour souffler, là pour s'amuser avec nos potes, pour s'amuser avec notre famille. L'augmentation de productivité, elle est là pour être bien, pour prendre plus de congés, pour aller faire des voyages, pour faire du sport, pour que tout le monde fasse ce qu'il a un peu envie, mais qu'on souffle. Au lieu de ça, on est en train de créer une société de stressés, où on court dans tous les sens, où on augmente les burn-out. Ah, les burn-out, mais ça veut dire quoi, ça, comme maladie? C'est-à-dire qu'on est épuisé, comme un citron. Mais ça va pas, ça, on n'est pas des citrons, on est des êtres humains, quoi. Je veux dire, la science doit être au service des gens et pas au service du profit, quoi. Ça, je crois que c'est important, et c'est pour ça aussi que le travail perd toute sa connotation positive, parce qu'en soi, on serait une société d'abondance, on irait bosser avec plaisir, quoi. Oh ouais, 9h, super, j'ai retrouvé tous les potes au boulot. On va produire, on va pas se casser le dos, on va pouvoir être créatif, on va pouvoir discuter sur ce qu'on produit. Non, au lieu de ça, on aliène les gens. Les travailleurs n'ont rien à dire sur ce qu'on produit en Belgique. On s'est habitué à ça. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Il y a une époque dans l'histoire de l'humanité, dans les périodes préhistoriques, les êtres humains discutaient ensemble sur quoi faire avec la production. Excellent, dans la période préhistorique. Mais on discutait ensemble. Il y avait ce côté un peu primitif, quoi, de discuter ensemble, etc., sur ce qu'on faisait. Aujourd'hui, la science a explosé, mais les travailleurs n'ont jamais aussi peu à dire sur ce qu'on produisait. Ça ne va pas quand même, je veux dire, donc il faut que les gens aient à nouveau le droit à la parole sur ce qui se passe dans la production économique. Et on s'est habitué, moi je dis toujours, les droits de l'homme s'arrêtent au port des entreprises. Vraiment, les droits de l'homme, ça veut dire, en dehors de l'entreprise, tu peux t'exprimer, et encore, hein, des fois, ça se limite déjà de plus en plus, mais dans l'entreprise, on n'a plus le droit de s'exprimer. Ça ne va pas. Et donc c'est ça qu'il faut dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le temps pour qu'on en arrive à perdre... tout ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, ok, c'est on explique ça en disant que c'est l'ultra-libéralisme, mais enfin, t'aurais autre chose à dire, toi aussi? Je pense qu'on s'est trop laissé faire, parce qu'il y a une partie d'explication, c'est l'ultra-libéralisme, c'est-à-dire le camp d'en face qui a mené ces attaques, notamment sous l'impulsion de Thatcher et de Reagan, qui ont complètement dérégulé le marché de la finance, qui ont cassé les organisations syndicales aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui ont mené la grande offensive ultralibérale. Mais je pense qu'on doit avoir une réflexion dans notre propre camp. Je pense qu'il y a trop de gens qui ont cru, peut-être, que nous pouvions jouer les règles du jeu du capitalisme, qu'en corrigeant un peu le capitalisme, nous pourrions avoir des acquis. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ben non, le capitalisme, si on lui donne un doigt, il prend tout notre bras à un moment donné. Et je crois qu'il est temps de remettre sur la table une révision radicale de notre société. Une rupture avec le capitalisme, une rupture avec cette société d'économie de marché dont le seul but c'est de produire pour les riches et pas de produire pour l'ensemble de la population. Et c'est cette remise en cause là qui aujourd'hui je sens est présente un peu partout en Europe. Et je crois que c'est ça qui donne espoir. Mais il y aura encore beaucoup de débats à avoir dans les semaines et les mois à venir. Oui, ce qui serait génial, c'est que tout le monde se sente concerné et aille en rue, quoi, en gros. Exactement, exactement. Et je crois que c'est cette mobilisation-là que nous devons avoir. Et je crois que là, quand je vois en France 500 000 personnes qui manifestaient encore la semaine passée, ça donne espoir que dans tous les pays européens, on bouge. Et je crois que là, il y a besoin aussi d'une coordination des forces au niveau de l'Europe. Le grand capital s'est unifié au niveau de l'Europe. Les grandes multinationales comme Volvo, comme Philips, les grandes multinationales européennes sont unifiées au niveau européen dans Business Europe. Il est temps que notre mouvement, que la gauche radicale politique, que le mouvement syndical s'unifie au niveau européen pour organiser la contre-attaque. Ce qui est génial avec ces mouvements dont tu parles, c'est qu'ils sont vachement organisés, parce qu'on parle aujourd'hui, par exemple, les Nuits Debout, ça se veut absolument pas de chef et machin et bazar, mais donc ça patine aussi pas mal. Je sais pas si tu suis un petit peu le cours. Et donc les syndiqués, en fait, ils sont vachement déjà organisés. Mais je crois qu'il faut, il faut s'organiser. Je crois que je ne crois pas dans le mouvement non organisé. Quand on a le mouvement non organisé, je pense qu'on est dans la démocratie des grandes gueules. Toujours comme ça, il y a une assemblée, soit disant il n'y a pas de chef, et finalement c'est quand même la grande gueule qui va s'imposer. Je pense que la question d'avoir des structures démocratiquement élues, dynamiques, irrévocables, comme c'est le cas de la Commune de Paris, par exemple, qui est une source d'inspiration importante, où justement tous ces hommes et femmes politiques étaient révocables. Je trouve ça très, très important. Mais je pense qu'il faut organiser la démocratie. Et de ce côté-là, je crois qu'il y a un débat très pluriel dans l'ensemble des organisations spontanées, que ce soit les indignés, que ce soit Nuit Debout, que ce soit Occupy. Je pense qu'il y a un débat qui a toujours eu lieu dans le mouvement des travailleurs, qui est celui de savoir faut-il plus ou moins structurer le mouvement. Bah, c'est un secret pour personne. Moi, je suis plutôt dans la tradition marxiste, donc je suis plutôt dans une logique de structurer fortement le mouvement, parce que je pense que sinon, il s'essouffle. Mais j'entends très bien qu'il y a d'autres sons de cloche, et je crois qu'on doit pouvoir en discuter dans le mouvement, de manière constructive et respectueuse. Ça, je crois que c'est très important, et il me semble que c'est ce qui est en train de se passer dans ces différents mouvements décrits tout à l'heure. Je sais que tu es pris par le temps, mais là, ça fait, on peut encore un petit peu, là. Ouais, t'as fait, ouais. 5-6 minutes. Il y avait aussi cette idée de, donc, après les attentats, j'ai vu passer comme ça via l'info réseaux sociaux, encore cette idée comme quoi on mettait le PTB de côté, donc c'était les gros partis qui sont au pouvoir. C'est lesquels les gros partis au pouvoir? Alors bah, en fait là pour l'instant chez nous c'est du côté francophone, c'est le MR. Ok, mais au niveau de la région, on a le CDH et le PS. Et la législature précédente, Écolo faisait partie du pouvoir également. Donc on est effectivement dans quatre partis qui se partagent un peu ce pouvoir. Et donc la question qui est dénoncée ici, c'est que donc, suite aux attentats de Bruxelles, il y a pas mal d'informations qui remontent à la surface comme étant qu'il y a quand même eu des gros dysfonctionnements dans les services de sécurité, dans les services médicaux, etc. après les attentats. Et donc il y a eu une décision qui est tombée de mettre sur pied une commission d'enquête. C'est une commission qui aurait le droit d'aller faire des recherches, d'auditionner des gens, etc., pour voir qu'est-ce qui a été oui ou non. Et bien les partis traditionnels n'ont rien trouvé de mieux que de décider qu'ils restaient entre eux dans cette commission d'enquête et que les plus petits partis comme le PTB n'auraient pas le droit d'être présents. C'est normal, Raoul, tu dois ouvrir toujours ta bouche là. Voilà, c'est ça en fait qui se passe. Ah mais c'est vraiment ça, parce que donc, en fait il n'y aurait que les partis autour de la table qui avaient des responsabilités dans le passé et dans le présent avec les attentats. Et donc clairement, on veut nous foutre dehors de ce genre de commission là pour pas qu'on vienne mettre le doigt où ça fait mal. D'ailleurs, les deux premières séances de cette commission se sont déroulées carrément à huis clos, parce que là on nous avait dit d'abord vous pouvez être présent, vous pouvez rien dire. Et là, carrément, on ne peut même plus être présent. C'est quand même fou, quoi. Donc là, vraiment, il y a de ce côté-là un manque de transparence flagrant. Mais bon, là, la population n'est pas dupe. La population voit bien qu'on est dans une opération pour étouffer les informations. Et je crois que là, on est là pour le dénoncer. Et on va le dénoncer dans les semaines à venir. Oui, en fait, tu es dérangeant quelque part aussi, alors. C'est ça aussi. Ça, c'est clair qu'on nous fait comprendre qu'on fait plus que de déranger. Et je crois qu'on compte bien, dans les années à venir, à continuer à déranger. On a été élus pour ça. On a été élus pour poser des questions qui font mal. On est là pour poser des questions que les gens se posent, pour les transmettre au Parlement. C'est notre rôle de faire ça. Et je crois que dans les années à venir, on va le faire encore d'autant plus. On ne peut pas te virer. Alors non. Non, on peut pas nous virer, là, on a l'immunité parlementaire, donc bah, jusqu'à preuve du contraire, hein, parce que je veux dire, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais on aura toujours le droit à la parole. Par contre, on nous limite ce droit à la parole dans le Parlement, mais avec toutes les brèches qu'on a, on continue à communiquer. Ben voilà, je vais te laisser, parce que t'es à la bourre, c'est ça, hein ? Ben ouais, écoute, on court dans tous les sens, là, hein, je veux dire, ce matin, je rencontrais une école de Liège, cet après-midi une école de Verviers, puis on va un petit peu aller... Tancer la ministre de l'énergie, Mme Marguem, qui roule pour Electrabel. Puis j'ai encore une question à poser à Mme De Bloch qui veut privatiser l'ensemble des soins de santé. Et ce soir, je vais regarder le film de M. Ruffin, Merci Patron, dans lequel mon camarade Marco, d'ailleurs, passe dans son film, vu qu'il a été le premier à dénoncer les montages fiscaux de M. Arnaud. Donc voilà, on est sur tous les fronts parce qu'on aime faire ça. Avant tout, c'est un honneur de pouvoir faire ça. Je veux dire, moi, je fais député parce que je le fais vraiment par passion pour le monde du travail et c'est une chance qu'on a et on va continuer à l'ouvrir. Et tu as vu le film Comme des lions? Et alors, j'ai pas encore vu parce que il est surtout en France, mais il va être retransmis la semaine prochaine, en Belgique. Donc, j'irai évidemment le voir pour s'inspirer du combat de tous ses camarades, des entreprises automobiles qui résistent fortement quand même à toutes ces multinationales. Je te laisse quand même si tu l'as dit peut-être, le mot de la fin sur tout ça que je n'aurais pas posé comme question. Qu'est-ce que tu auras envie de dire là? Ben, je pense que le plus important, surtout pour les gens, c'est de garder espoir dans le combat parce que comme les pionniers l'ont fait, on peut faire reculer le camp d'en face et on peut aller chercher nos acquis sociaux.